L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. La mairie de Nancy accueille le mardi 11 juin près de 40 employeurs pour un forum emploi multisectoriel. Nadir Dagmous, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des relations entreprises pour France Travail à Nancy. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui s'adresse ce forum emploi ? Bah écoutez, effectivement, nous organisons un forum multisectoriel qui se déroulera dans les beaux décors des grands salons de l'hôtel de ville, qui recevra donc près de 40 employeurs dans plusieurs secteurs d'activité, aussi bien des établissements publics ou ayant des missions de service public, comme le CHRU, la CPM, la mairie de Nancy, et aussi l'Université de Rennes, la CARSAT, et aussi des établissements du secteur marchand qui vont proposer plus d'une centaine d'offres d'emploi à des demandeurs d'emploi qui auront l'occasion donc et l'opportunité de rencontrer directement les employeurs et de donner leur CV sur plusieurs postes. Avec tout type de qualification possible ? Oui, bien sûr, hein, c'est ouvert aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux personnes qui sont déjà en poste. Il n'y a pas forcément des prérequis, des exigences sur certains postes. Et pour d'autres, effectivement, on exige des diplômes, à savoir qu'on recrutera donc sur pas mal de métiers, des assistants sociaux, des employés polyvalents de restauration. On recrutera aussi des employés de rayon, des managers, des chargés de communication. Il y a effectivement pas mal d'opportunités qui sera véritablement à saisir. Alors, comment se préparer à un rendez-vous quand on est demandeur d'emploi, si on entend justement qu'il y a ce forum mardi prochain après-midi à la mairie de Nancy? Comment on s'y prépare? Il faut y aller avec l'idée que l'entretien il sera très court et qu'il faudra formuler tous les aspects positifs de vos compétences, de vos savoir-être, de vos savoir-faire. Et en effet, sur 3 à 4 minutes, donc il faudra dire l'essentiel de manière à convaincre donc votre interlocuteur et de déclencher derrière peut-être un nouvel entretien ou éventuellement une nouvelle rencontre pour voir le poste. Mais c'est sûr qu'il faut une préparation et savoir se présenter très très rapidement. Est-ce que ce genre de rendez-vous, c'est aussi l'occasion peut-être de se découvrir des métiers qu'on n'imaginait pas à l'origine ? Oui, en effet. On peut avoir certaines compétences sur d'autres métiers, mais après, on peut dire qu'on a des compétences transverses à partir d'une activité qu'on sait faire. Mais on peut imaginer aussi qu'on ne soupçonne pas l'existence d'autres postes sur lesquels on peut avoir également des capacités professionnelles à le faire. On peut travailler aussi bien en tant que employé polyvalent de restauration et envisager de travailler dans le secteur logistique par peut-être une formation interne. On peut travailler comme équipier polyvalent aussi dans le commerce. Il y aura effectivement toute une opportunité de découvrir aussi certains métiers qu'on n'a peut-être pas envisagé, qu'on n'a peut-être pas soupçonné aussi de pouvoir réaliser. Et là, cette rencontre sera véritablement une opportunité pour chacun de nous, pour chacun des demandeurs d'emploi et de possibles salariés aussi qui viendront pour rencontrer des professionnels qui leur donneront également le goût de se lancer sur ces domaines d'activité-là, sachant que nous, derrière, à France Travail, on peut mettre en place aussi une possibilité d'être accompagné pour découvrir un poste. On a quelques possibilités de réaliser ça. Voilà, donc c'est ce mardi 11 juin, c'est à partir de 13h, donc dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy, c'est ça ? Voilà, 13h30 pour le public jusqu'à 16h30. Donc moi j'invite vos auditeurs à se munir de plusieurs CV et de venir nous rencontrer donc pour pouvoir envisager des opportunités, voire des carrières longues et s'épanouir donc dans ce qui va être proposé vis-à-vis de ces recruteurs. Merci beaucoup Nadir Dagmous. Je vous en prie, bonne journée. L'actualité annoncée ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.